Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, il est question de microbes et de guerre civile. L'hiver arrive et avec lui ses cohortes d'épidémies, d'yeux qui piquent et de nez qui coule, accompagnés du retour des débats sur les bénéfices de la vaccination. Sur sa chaîne YouTube « L'Histoire nous le dira », l'historien Laurent Turcot se montre passablement agacé par les alternatives hasardeuses, comme vous pouvez l'entendre. Pourtant, en plein 21e siècle, avec des cas de rougeole qui réapparaissent un peu partout, et même des gens qui évoquent des techniques de vaccins alternatifs, des tenants de l'homéopathie qui affirment faire leur propre vaccin avec du jus de citron et de l'eau distillée, ou encore à ceux qui cite cette maudite étude qui dit qu'il y a un lien entre autisme et vaccination. By the way, cette maudite étude-là de marde a été invalidée par les chercheurs et même ceux qui l'ont faite sont revenus en disant qu'elle ne comptait pour rien, pour de la marde, disons-le. Pour illustrer les ravages des campagnes de méfiance, Laurent Turcot mobilise l'histoire et nous ramène au 19e siècle à Montréal. La variole, infection particulièrement répugnante et meurtrière, est enfin éradiquée grâce au vaccin inventé à la fin du 18e siècle. La maladie paraît si lointaine qu'on ne s'en méfie plus. Le récit que je m'apprête à vous raconter tient carrément d'un scénario de film. Des cris, des morts, des attaquants, des défenseurs... L'Église, les Anglo, les Franco, les bons, les méchants, les tensions politiques et linguistiques. Ajoutons à tout cela un peu de religion et beaucoup de mauvaise foi et ça donne l'émeute anti-vaccin. Émeute anti-vaccin de 1885. Vous l'aurez compris, la question du vaccin déchaîne les passions et fait exploser les tensions sociales qui couvaient jusque-là. Dès les années 1860, on remet en cause son utilité et l'on se focalise sur les effets secondaires disgracieux de la piqûre, de son inoculation. On répugne à souiller les enfants avec ces bactéries et les communautés religieuses qui craignent pour leur place au sein du système de soins et par extension pour leur rôle dans l'éducation des petits Canadiens se font tirer l'oreille. Certains médecins évoquent même une mode de la vaccination déjà obsolète. Les remèdes douteux pullulent à grand renfort de publicité dans la presse. Mais... dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, on n'a pas eu le même succès qu'à Montréal dans la lutte contre la variole. Par un patient zéro, conducteur de train venu de Chicago où une épidémie fait rage, la maladie réapparaît. L'épidémie se propage d'abord dans l'hôpital qui l'a soigné. Le ministère de la Santé renvoie chez eux les patients qui ne semblent pas infectés. Grave erreur puisqu'elle se répand alors librement dans toute la ville. La majorité des malades étant francophones, les Canadiens anglophones se désintéressent de la question et accusent leur mode de vie arriéré et leur hygiène douteuse. Les rumeurs vont bon train, vous l'aurez compris. À l'épidémie s'ajoute l'exaspération du conflit entre communautés linguistiques orchestrée par une presse très en verve. Du côté de l'Église encore, on voit la résurgence de la variole comme une punition après les débordements festifs du carnaval. On s'infecte d'ailleurs copieusement dans les églises où les malades, au lieu d'être isolés, sont exposés et leurs bubons célébrés comme les marques de la présence divine. Un climat de guerre civile s'installe en quelques semaines dans les rues de Montréal. Le 28 septembre 1885, des émeutiers mettent à feu le bureau de santé du Faubourg de l'Est, puis se dirigent vers l'hôtel de ville où des vitres sont brisées. La foule assiège le bureau de santé du Faubourg de l'Est et y met le feu. Ensuite, on va chahuter le Herald et on y brise les vitres. Les émeutiers vont menacer les maisons des médecins vaccinateurs, dont celle de l'ex-maire Ingston et des pharmacies. Des bagarres éclatent. Le chef de police de Montréal est lui-même blessé. Le maire Honoré Beaugrand, alité parce qu'il souffre d'asthme, court à son bureau et consigne 600 militaires. Il émet une déclaration dans laquelle le maire invite les citoyens à ne pas sortir le soir et à ne pas gêner l'action des policiers. La nouvelle de l'épidémie et des violences qui lui sont liées circule en dehors du Canada et la ville de Montréal est bientôt frappée d'un blocus informel. Les produits qu'elle exporte pourraient transmettre l'infection. Les autorités publiques mobilisent la police pour isoler les malades et vacciner ceux qui ne le sont pas encore. L'évêque Fabre se fait vacciner en public deux fois pour montrer l'exemple. Entre-temps, la variole a fait près de 6000 victimes, dont une majorité de francophones et d'enfants de moins de 10 ans. L'épidémie de Montréal en 1885 est la dernière apparition de la variole non maîtrisée en ville. C'est en 1979, soit un siècle plus tard, que l'Organisation mondiale de la santé annonce finalement l'éradication de la maladie. Merci beaucoup, merci Anaïs pour ce rappel. On retrouve toutes les informations et les liens utiles sur la page du journal de l'Histoire sur franceculture.fr.